بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter تفسير سورة الفاتحة. طه منير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نيميرو 2. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، قال: وهي سورة عظيمة يدل على عظمتها أن الله جعل قراءتها ركنا من أركان الصلاة، وأنها تكرر في كل ركعة، فهذا يدل على عظمة هذه السورة، وهذا من خصائص هذه السورة. أما في الصلاة، الركن الذي لا تصح الصلاة إلا به قراءة الفاتحة، قال عيسى عليه السلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. سمونتخ هذا l'importance de cette سورة، أن الله سبحانه وتعالى il a rendu obligatoire في الصلاة، et la الصلاة elle est pas valable إلا بقراءة الفاتحة. بقي شيء أن الذي لا يستطيع، مثلا شخص يبين سو كونفيرتير ولا لا يعرف لا يحفظ سورة الفاتحة، فهذا يفسكيبه في البداية يذكر الله حتى يتعلم، لكن الصلاة لا فا و سي كونيبا الفاتحة إذن لامبورتونس يحفظها ان جور دو جور وهو يحفظها إن شاء الله. أما celui qui a la capacité et il la récite pas, الصلاة لا تصح، لا تصح إلا بالفاتحة. Et ça, ça nous montre l'importance de cette sourah. هذه السورة qu'on récite tous les jours à chaque rak'a. Et notre salat qui أعظم الأركان بعد الشهادتين الصلاة، هذا الركن لا يصح إلا بهذه السورة. Ça nous montre l'importance de connaître هذه المعاني. 17 fois par jour, anta tu la récites. Le muslim il a besoin de comprendre هذه السورة. قال: وهي تتضمن معاني جليلة، ففيها أنواع التوحيد الثلاثة. في أولها هذه السورة في التوحيد، عليكم السلام ورحمة الله، قال: أو في أولها الحمد لله رب العالمين، هذا فيه توحيد الربوبية. le premier verset de سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، هذا فيه الربوبية، الرب، والرب معروف عندنا أنه الخالق الرازق المحيي المميت. وسيأتي الآن الشيخ الفوزان ينودان une image globale، يدون un aperçu de cette سورة، ثم سيأتي معنا chaque verset. المهم الآن on comprend في الفاتحة، في سورة الفاتحة il y a les trois catégories de tawhid qu'on a vu beaucoup نحن dans les dorus précédents. توحيد ربوبية في قوله الحمد لله رب العالمين، واضح رب العالمين من الربوبية. قال: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قال: هذا فيه توحيد الأسماء والصفات، واضح الرحمن الرحيم من أسماء الله، مالك يوم الدين كذلك المالك من أسماء الله عز وجل. والصفات تعلمون أن ما من اسم من أسماء الله يتضمن صفة كاملة، ولله الأسماء الحسنى، فهذه الأسماء لنون الله سبحانه وتعالى يكونتين توس أن أتخبو. فالرحمن أي أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الرحمن، والرحمن من صفته الرحمة، يفي ميزيغيكورد أكيفو سبحانه وتعالى. دونس فيغسون توحيد الأسماء والصفات، هذا واضح. قال: إياك نعبد وإياك نستعين، هذا فيه توحيد العبودية أو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية أو توحيد الطلب والقصد. On avait vu dans les doros précédents les différents noms de هذا التوحيد. إياك نعبد وإياك نستعين. قال هذا فيه توحيد العبودية. أين توحيد الألوهية في هذه الآية؟ تفضل. أين نعم لكن أين التوحيد؟ إياك فماذا؟ أحسنت. دو من أين أخذت إلا أنت؟ مثل هشام لدي وحده دو بزاب بخي هذا قد إياك فماذا إياك؟ إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت. ابن عباس العبادة واحدة. نعم كما قال أبو بكر. نعم هذا لا أي معنى العبادة أي إذا جاء في القرآن لفظ العبادة فبمعنى التوحيد. إياك نعبد أي نوحد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله أي ليوحدوا الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون. نعم إياك تضل. أحسن. تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر لأن إياك ضمير نصب ففي اللغة العربية ضمير النصب il est toujours après أو في الغالب en général il est après الفعل والفاعل t'as un verbe t'as un sujet t'as un مفعول. نعبد أي نحن نعبد فعل فاعل إياك ضمير نصب هنا il a été avancé normalement هو il est après le verbe. هنا vous remarquerez Allah subhanahu wa ta'ala il a pas dit نعبد إياك il a dit إياك نعبد. في العربية il y a une règle أن ce qui mérite d'être après, si on l'avance, yufid l'hasr. Ça fait que ce verbe, cette action, elle va être limitée. Iyaka na'budu ay wahdak la sharika lak. Iyaka na'budu ay na'budu Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lak. Et si on adore Allah seul, subhanahu wa ta'ala, hada tawhid. Ama le fait d'adorer, comme ta'alamun, c'est pas du tawhid. Limada? Le fait d'adorer, ce n'est pas du tawhid. Ahmed Malik. Ahsan, là, on a fait le musharaka. La condition pour que l'adoration soit valable, c'est le tawhid, l'ikhlas. Wa ma umiru illa liyabudullah mukhlisina lahuddi. Wa huna iyaka na'bud. Fa la ibada du muslim, de la personne, pour qu'elle soit valable, il faut qu'elle soit bit tawhid. هذا هو توحيد الألوهية استفدناه من هذه الآية. قال هذا في توحيد العبودية فتضمنت إذن أنواع التوحيد الثلاث. نعم فالسورة يعني تخوى كاتيجوري التوحيد فتتعجب من بعض الضلال إني هذا التقسيم يديز أن هذا التقسيم أي لفت دو بارتاجي لفت دو كلاسي التوحيد ان تخوى كاتيجوري يديز أن هذا سمن البدع. Et tu le trouves, ils sont monogamisons, ils font le bid'a, l'ayl nahar. Lakin, vu que ce taqsim, il répond à leur shirk, vu que ce taqsim, il met en garde contre ce qu'ils font, fahoum, ils essayent de dire, c'est aqsam, c'est Cheikh l'Islam qui les a inventés, Ibn Taymiyyah. Alors, c'est aqsam, c'est Cheikh l'Islam, Mohamed ibn Abdelhab, c'est lui qui a propagé hada. Ils ne comprennent pas, anna al-ulama, ce taqsim, ils l'ont pris dans le Coran, faqat. Mitl, arkan al-salat. Tu ne trouveras pas un hadith ou un verset du Coran qui nous montre ou qui nous dit avec un love clair les piliers de la prière c'est kada. Abadan. Et que les ulama ils ont compris les hadiths, les versets du Coran et ils ont conclu qu'il y a des choses pour que la salat soit valide, tu es obligé de faire kada. Lecture de Fatiha. La salat imam lam yaqra bi Fatiha al-kitab. Ils l'ont mis dans les arcanes, les conditions. Kadalik al-wudu, kadalik al-qiyam, kadalik beaucoup de choses. La qibla, ila akhirah. Ça, c'est l'ulama, il te facilite. Il te facilite. Ils disent maintenant, cette chose, elle se divise en trois. Ba'dan Juhal, ils ne comprennent pas, ils disent, ça, c'est le prophète, il n'a pas dit ça, c'est min al-bida. Ça, c'est min al-jahl. Ça, عند العلماء, ça s'appelle l'istiqra. Istiqra al-nusus. Ils suivent les preuves du Coran et de la Sunna et ils te facilitent. Ils t'ont montré arkan al-hajj, arkan al-salat, anwa' al-tawhid, anwa' al-shirk, anwa' al-kufr. Tout ça, c'est pour que tu comprennes. Faqat. ils auraient compris sourate al-Fatiha, ils sauraient هذا. وهؤلاء كثير منهم إني هذا التقسيم لأنهم هم ils appellent توحيد الربوبية فقط كما تعلمون توحيد المعرفة فقط. فدك tu leur cites ces catégories, la توحيد الربوبية ça suffit pas. لابد من توحيد الأسماء والصفات ومن توحيد الألوهية. فبعض الناس ينكرون لماذا؟ لأنهم eux-mêmes ils adorent des tombes. Eux-mêmes ils adorent les morts. فهذا التقسيم il le dérange. Il veut faire croire aux gens que توحيد c'est الربوبية فقط. أما نحن الآن avec تفسير avec سورة الفاتحة c'est واضح. الحمد لله رب العالمين. On est obligé de croire que Allah c'est Rabb al-Alamin. C'est lui qui a tout créé, c'est lui qui guide qui veut, c'est lui qui donne à qui veut. C'est Rabb Azza wa Jalla. Thumma, on croit annahu ar-Rahman ar-Rahim, Malik yawm al-Din. On croit que Allah subhanahu wa ta'ala il a des noms et des attributs. Parmi ces noms ar-Rahman ar-Rahim et Allah c'est Malik yawm al-Din. La but ta'aqida zo hakada. Kadhalik notre aqida, anna personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Les trois anwa' de tawhid. وتضمنت نوعي الدعاء. قال لأن الدعاء على قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. إياك نعبد وإياك نستعين. كذلك قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. تقدم معنا ضابط دعاء العبادة وضابط دعاء المسألة. فسورة الفاتحة تضمنت النوعين. سورة الفاتحة Allah subhanahu wa ta'ala il a cité les deux catégories de dua, dua mas'ala et dua ibada. Fa ma huwa ta'rif ou dhabit dua al-ibada wa dua al-mas'ala? Tout ça on a vu ya jama'a, c'est des révisions faqat. Indak Abd Malik, kulla ibada fi al-haqiqa huwa talab wa dua al-ibada, talab min Allah al-janna wa talab min Allah. Kayf lama tusalli wa lama فمثلا الصلاة تطلب من الله عز وجل الجنة وكلام هذا الشيء المغفرة لا بس لا بس عندك من الله يباعدك من النار ان اكزامبل اترك الصلاة مثلا الحج سن عبادة. Pourquoi c'est dua ibad al-hajj? Non, Allah amarana bil-hajj. Et toi tu fais ce hajj en espérant? Ahsan, en espérant te rapprocher d'Allah et t'éloigner min ghadabillah. هذا احسنت اساسا دعاء العباده سبا خاص بالصلاه دعاء العباده سي توت لي عبادات ما من عباده كون في ولو سي تو با ان انفوكاسيون ديريكتومون مثلا الحج لا شك دون الحج يا دي انفوكاسيون لكن الحج اون لوي ميم الحج اون لوي ميم سي ان ادوراسيون كالله تا اوردوني ولله على الناس حج البيت الله نو اوردوني celui qui a les moyens et la capacité c'est obligé pour lui et انت سو حج ست عباده tu l'as fait t'espère ta niya, c'est que tu te rapproches d'Allah. Comme a dit Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Hajj al-Mabrour, jaza'uhu al-Jannah. Ou comme a dit Ali Sallallahu Alaihi Wasallam. Nous avons dit Al-Hajj al-Mabrour, celui qui fait le Hajj, à la Sunna, bi ikhlas, ila akhiri, la récompense est le Jannah. Il fait ce Hajj en espérant ça. Il fait le Hajj en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, ila akhiri. C'est ça sa niya. Cette niya, c'est dua, ibada. C'est comme si tu avais fait une dua. Ça, c'est dua al-ibada. Pour mieux comprendre, il faut définir dua al-mas'ala. Hamza, indak. Ma ma'na dua al-mas'ala? Alors, on a expliqué dua al-ibada. Dua al-mas'ala, la deuxième catégorie. Mahi. C'est un dua qui est connu, indan nas. Je dis, je vais faire un dua. Ma ma'na? Ahsant. Tas'al Allah subhanahu wa ta'ala. Tas'al bil-lisan. C'est ça le dua al-mas'ala. Il y a une demande. Ya Rab, donne-moi kada. Ya Rab, pardonne-moi kada. Ya Rab, facilite-moi kada. Dua al-mas'ala. Avec un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala munasib. Ahsan. Ya arham ar-rahimin, arhamni. Ya ghaffar, ighfirli. Hada dua al-mas'ala. Ay, al-talab. Il y a une demande. Une demande directement. Amma al-ibada, c'est une adoration et cette adoration, elle implique kada wa kada, ce qu'on a expliqué. Hada al-dhabit, dhabit du'a al-masala wa du'a al-ibada wa hada c'est muhim. Hada c'est muhim, ça t'aidera à comprendre, beaucoup de versets, beaucoup d'ahadith. Qala, hafidhahu Allah, du'a ul-ibada huwa al-thana'u ala Allah jalla wa ala wa dhikru Allah azza wa jalla. les exemples qu'on a cités ou le kalam qu'on avait cité min kalam fima adkur Cheikh Saleh al Cheikh il est aussi min kalam al Cheikh al Fawza. قال ودعاء المسألة هو طلب الحوائج من الله جل وعلا فهذا موجود فيها أي في سورة فاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إن دمض الآن اهدنا الصراط المستقيم دعاء مسألة دعاء مسألة يدمض الله سبحانه وتعالى كل قد اهدنا الصراط المستقيم Il reste à savoir c'est quoi Sirat al-Mustaqim. Là, tu es obligé de faire cette dua. Ou ce dua, tu es obligé. 17 fois par jour, tu es obligé. 17 raka'as sont obligatoires pour chaque musulman. Tu es obligé de dire dans chaque raka'a, ihdina Sirat al-Mustaqim. Tu dois savoir c'est quoi Sirat al-Mustaqim. Si tu ne sais pas, tu demandes une chose que tu ne sais pas. Ça va être difficile d'avoir une bonne niya quand tu ne sais pas la chose. Tu fais un dua et tu ne sais pas ce que tu demandes. Ça va être difficile d'avoir une bonne niya, d'être sincère et l'akhir. Ahyalan, nous récitons, ça devient une coutume. Hatta, des fois, tu sais, ton esprit par ailleurs et tu arrives à la cité. Liana, c'est devenu la coutume. L'insan, il y a d'abord le Coran. Et dina sirat mustaqim, tu as demandé une chose. Et si tu as demandé une chose, tu dois faire les causes. Et dina sirat mustaqim, tu as demandé un sirat mustaqim, tu dois faire les causes pour hada sirat mustaqim. Et on verra si Cheikh Fawzan, hafidhahullah, il cite min hada. Il va citer min hada, inshallah ta'ala. قال كله طلب ودعاء ودعاء العبادة إياك نعبد ست عبادة صفيت أن دعاء كما on a expliqué le fait que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala t'espères te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et t'espères qu'Allah te pardonne هذا دعاء العبادة قال كله طلب ودعاء ولذلك يستحب بعد الفراغ من قراءتها أن يقول آمين أي اللهم استجب on a une فائدة الآن أن Le fait de dire Amin, que tu sois tout seul, ou que tu sois l'imam, ou que tu sois ma'moum, et tu pries derrière l'imam. Dans les trois cas, à la sahih, tu dis Amin. Dans les trois cas, tu dis Amin. Et fait sifat salat, l'imam, Muhaddith al-Asr, al-Sheikh al-Albani, alayhi rahmatullah, dakara min hada. Il a cité les adillah. Al-Muhim, nous avons Amin, huna, tastafid, ça veut dire Allahumma stajib. Dès que tu dis Amin, c'est comme si tu disais Allahumma stajib, dua. Ya Rab, exauce ce dua. Allahumma stajib. Al-istijaba ay, qu'Allah il exauce. Al-an, chaque musulman, on dit hada al-kalam. Dès qu'on lit Al-Fatiha, on dit Amin. Fal-an, tu dis Allahumma stajib, tu dois savoir pourquoi. Ya Rab, exauce-moi. Exauce quoi? الآن الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم استجب اللهم استجب ce dua tu dois comprendre هذا الدعاء أما dire آمين آمين pendant des années et on est loin de الصراط المستقيم il n'y aura pas une grosse faïda لأن الدعاء il faut des أسباب الدعاء on fait الدعاء et il faut faire les أسباب كما تعلمون il faut faire les causes je demande la guidée Je dis Amin. Si l'imam, maintenant, il dit Ihdina Surat Mustaqim, nous on dit Amin. Aïe, Allahumma stajib. On fait le dua. Enfin, on doit faire les causes. Tu trouves Ada al-Soufiya. Tu trouves al-Rawafid, al-Dullal, al-Zanadiq al-Kafara. Et tu les trouves Iharab al-Surat Mustaqim, l'aïnaha. Iharab al-Surat Mustaqim. Alors que tu le trouves, il dit Amin. Allahumma stajib. Et tu le trouves, il demande Ada al-Surat Mustaqim. Al-Mushkila, c'est quoi? C'est le jahl. Il ne sait pas c'est quoi Sirat al-Mustaqim. Al-Rawafid, ils croient que Sirat al-Mustaqim, c'est suivre Ali. Ou ba'dahum adorer Ali et détester les autres compagnons du prophète. Ils croient que c'est ça Sirat al-Mustaqim. Al-Sofiya, ils croient que Sirat al-Mustaqim, c'est adorer son cheikh. Sidi Fulan. Je dois lui égorger pour lui, je dois kada. Ils croient que c'est ça Sirat al-Mustaqim. Tout ça, c'est pas mina Sirat al-Mustaqim. C'est mina Subul. C'est mina Subul. C'est des routes, des chemins. D'égarement, wal'iyadu billah. Ou à la kulli sabil, shaytan. Shaytan, min shayatin al-jinn ou l'ins. On doit donner de l'importance à hadith surah, jiddan. On doit donner de l'importance. Walaw mukhtasaran. Walaw, tu connais pas l'explication en détail, l'akhiri. Tu sais ce que tu dis, ala l'aqal. Tu sais ce que tu dis. Tu sais que Sirat al-Mustaqim, c'est kada. Le muslim, normalement, chaque partie de la fatiha, on lui demande, il doit savoir. Maintenant, ma ma'ana al-hamd, il doit savoir. Al-hamd, huwa al-thana ala Allah, ila akhir. ما معنى الرحمن إسي من أسماء الله يتضمن صفة الرحمة الرحمة سكذا وكذا سكوا مالك يوم الدين سكوا يوم الدين إدوى صبر يوم الدين سيوم القيامة من أسماء يوم القيامة إياك نعبد صبر إخوة إدوى صبر من توحيد العبادة بخصنا مغيت خاضغي صف الله إياك نستعين إدوى صبر صف الاستعانة شوف فلان تستنتا دوموند اوتور دو توا ما معنى الاستعانه شوف هاد الشقي مسلم تي لا دي 17 فوا بار جور اياك نستعين سا فيدير كوا الاستعانه tu prétends une chose et tu l'as dit fa ma معناها لا يليق بالمسلم يدي دي شوز اي كومبرون با اكثر واكثر طالب العلم on doit pas perdre notre temps يا جماعه القيل والقال si vous avez remarqué chaque مساله qu'on rentre on voit qu'on a du naqs chaque مساله Si on vient dans le tafsir, on va voir qu'on a un gros naqs. Gros naqs. C'est le Fatiha, on ne parle pas les autres. Les autres souars, ba'd, inshallah. L'ahnoul, le Fatiha. On va voir qu'on a du naqs. On vient dans le hadith, vous allez voir qu'on a du naqs. On vient dans l'ibada, on a un gros naqs. On vient. Qu'est-ce qu'il y a l'humour ? On n'a pas le droit, l'ahnoul, de perdre notre temps. Fulani l'a fait, Fulani l'a pas fait. Ça ne sert à rien du tout, hada. Qu'il wa qal. Une chose qui ne te fait pas avancer dans la religion, truqha. Enfin, tu vois, on a un naqs. Dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses, on a un acte. On n'a pas le droit de se permettre. Tu perds ton temps là. Si tu as des forces, tu les mets dans ce Coran, Hiv, Ibadah. Et tu vas voir que tu vas avancer. Amand, délaisse tout ça. Et Fulani l'a fait, Fulani l'a pas fait. Qil, qal, il a arrêté des choses qui sont d'aucune utilité. Hada, ça fera du mal à la personne. Et le khair, il est hasil. نحن دي باس انا الخير لا نحن دي سابو موتيفي فقط اما الخير اللي حاصل خاصه عند طلبه العلم اللي حاصل لكن اكثر واكثر نسال الله سبحانه وتعالى الهدايه للجميع قال حفظه الله اللهم استجب قال والتامين انما يكون على دعاء نعم تجي امين سكي دعاء سي بور سا كو فوايي لو خطا ده بعض الناس بعض الاخوان في قنوت الوتر أو في قنوت النازلة des fois ils disent آمين et il n'y a pas de دعاء des fois ils disent آمين et il n'y a pas de دعاء vous avez remarqué هذا c'est un خطأ هذا لأن كما قال شيخ الفوزان التأمين tu le dis بعد الدعاء مثلا on dit في القنوت on disait اللهم عليك بالحوثيين آمين دعاء كالله nous préserve de هؤلاء الأشرار لكن أحيانا on voyait في القنوت on entendait في القنوت أحيانا الإمام ne faisait pas de دعاء Et بعض الناس disent آمين مثل ماذا نعم نعم أحسن تبارك ربنا وتعالي قنوت الوتر الحديث الحسن بن علي رضي الله عنه وبعض العلماء يحسن الحديث لا لا دعاء او لو دعاء كلا ابخي كلا انسيني البروفيت صلى الله عليه وسلم ا سون بيتي فيس الحسن بعض العلماء يديز الحديث اللي ضعيف بعضهم يديز اللي حسن صحيح المهم نحن دون الدعاء يا قول الله عز وجل تبارك ربنا وتعاليت سبان دعاء هذا ففي هذا الحال شو بمجر امين لا سي اون انفورماسيون سان خبر On dit que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le plus haut il a akhir. On n'a pas dit Amin. On dit Nashhadu annaka Allah. La ilaha illa ant. Al-ahadu samad. On dit ça fait le qunut. T'as pas dit Amin. Allahumma stajib. Là, Allah il est unique. Il n'y a pas besoin de dire Ya Rab exauce. Comment il va exaucer son unicité? Abadan. Ça, on informe. Fakat. Fait hadha al-hal, tu dis pas Amin. Fait hadha al-hal, t'écoutes le imam et tu te tais. Ils ont demandé à Cheikh Mohamed ibn Hizam Ams في درس بلوغ المرام اللي يوم بوزلها كيستيون أن بعض الناس صحيح يجيز سبحان الله عند هذا لا لا ساسي العبادة التوقيفية il faudrait le dire le Nabi صلى الله عليه وسلم il l'aurait dit أو il nous l'aurait enseigné أما هذا c'est من استحسان الناس vu qu'ils savent qu'il ne faut pas dire آمين ils ont pensé qu'au lieu de me taire je veux dire سبحان الله لا الدين ça marche pas comme ça الدين c'est t'as une preuve t'as pas de preuve de toi tu vas dire سبحان الله أبو بكر يقول لا حول ولا قوة إلا بالله نور يقول لا إله إلا الله خلاص on va se diviser dans l'ibada لا يجوز tout le monde se tait قال والتأمين إنما يكون على دعاء وسورة الفاتحة دعاء كلها دعاء عبادة ودعاء مسألة نعم نعم هذا واضح قال وفيها إثبات الرسالات وذلك لأن مقتضى قوله لأن مقتضى قوله رب العالمين والرب هو الذي يصلح عباده ويربيهم قال ومقتضى تربيتهم أن يرسل إليهم الرسل لهدايتهم وتربيتهم هذا كلام جيد الحمد لله رب العالمين نكبخ من الآية أن الله سر الرب ومن معاني الرب كما نبي في الأصول الثلاثة أن الله سبحانه وتعالى يربي عباده تريد التربية l'éducation. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il éduque, il crée la personne, il le guide, il lui facilite qu'elle a, qu'elle a. C'est une éducation, Ar-Rab, ça vient de Tarbiya. Et de, parmi cette éducation, cette Tarbiya, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie un messager. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie un messager à chaque peuple, لِيُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةِ. Hatta ils n'ont plus d'excuses, on ne savait pas. Personne nous a montré. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, chaque peuple lui envoie un message. Fahada, hada fihi, itbat al-risalat. Pas directement dans le verset, lakin tu comprends du verset, anna min al-tarbiya, anna Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie un messager à chaque peuple, avec un kitab. Qala, wa hada min muqtada al-rububiyya, wa min muqtada al-hidaya, ihdina al-sirat al-mustaqim. Alors, tu vas commencer à comprendre plus ce qu'est le surat al-mustaqim. Qala shaykh al-Fawzan, la yumkin al-ihtida ila surat al-mustaqim illa bil-rusul. Tu comprends là, anna kadhalik fi qawli Allah azza wa jalla ihdina surat al-mustaqim. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te guide sur ce chemin, à surat al-mustaqim, un chemin droit. Alors, ce surat al-mustaqim, tu ne peux pas le comprendre. Sauf si tu suis al-rusul. Plus précisément, Nabiyuna Muhammad alayhi salam. Et nous, notre communauté, on doit suivre le prophète Muhammad alayhi salam. Il a abrogé toutes les autres religions. C'est ça, Sirat al-Mustaqim. Enfin, t'as pas le droit de faire une quelque chose fait d'île que le prophète sallallahu alayhi salam, il a pas fait. Ou il a pas ordonné. Ou il a pas légiféré. T'as pas le droit. Qala alayhi salam, fi hadith Aisha, al-mashhur, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minh, fa huwa radd. في الصحيحين وفي مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد صراط المستقيم c'est هذا c'est que tu suis le prophète عليه الصلاة والسلام le prophète عليه الصلاة والسلام il a interdit une chose tu ne la fais pas le prophète عليه الصلاة والسلام il a ordonné une chose tu la fais autant que tu peux أما inventer c'est pas من الصراط المستقيم ولو c'est une bonne niya on a donné l'exemple في القنوت بعض الناس ils disent avec l'imam il fait un thana على الله عز وجل بعض الناس ils disent سبحان الله هو Si tu le nsah, maintenant tu lui dis, ça, ça ne fait pas partie de sunna. Ça ne fait pas partie de surat al-mustaqim. Il va te dire, j'ai rien fait de mal. Comme on l'a expliqué plusieurs fois. Sa niya, elle peut être bonne. Bad al-naz, il fait ça, il a une bonne niya. Lakin, on a déjà expliqué, la niya, ça ne suffit pas. Le prophète sallam, قال, من عمل عملا ليس عليه أمرنا. Le prophète sallam, il a montré, أن العمل lui-même, si il ne suit pas, et il n'est pas à la tariqa de Nabi alayhi sallam, il n'est pas valable. Ou alors, s'il a une bonne niya. Et vous vous rappelez de l'histoire Qissa ma'a ibn Mas'ud radiyallahu an Ma aradna illa khayra Ibn Mas'ud, dès qu'il a conseillé avec les groupes qui sont rassemblés à la mosquée Ibn Mas'ud, il les a conseillés Ils ont dit, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa khayra Ibn Mas'ud, il leur a répondu Kam mi mourid lil khayr, la yudriko Ou comme il dit Beaucoup de nas, ils veulent le khayr, il a une bonne niya Lakin, ça ne suffit pas Si tu ne fais pas les causes et tu ne suis pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Tu peux espérer vouloir le khayr Et tu n'arrives pas à l'atteindre لأن البدع سشر ولو ستين برنية البدع سشر قال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة toutes les bidats dhalal quand une bonne niya une mauvaise niya c'est dhalal la chaque anna celui qui a une mauvaise niya avec sa bid'a il est pire lakin ça veut pas dire que celui qui fait une bid'a et qui a une bonne niya c'est pas grave abadan lian al bid'a al mam c'est dhalal tasawwar anta fi al ma'asi c'est la même chose واحد nous dit j'ai une bonne niya je veux boire de l'alcool j'ai une bonne niya c'est haram ta niya ou ta pas ta niya c'est haram La personne, il doit suivre هذا surat al-mustaqim. Surat al-mustaqim, tu n'arriveras pas à le comprendre illa bittiba' al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et tu ne pourras pas suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam illa, illa bimada? Illa bil-ilm, al-shara'i. Tu ne pourras pas. Lianna, il y a un autre cas. Anna ba'd al-nas, ils veulent suivre le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ils veulent. Lakin, ils n'ont pas d'ilm. Yat'ab. Yat'ab, il a t'aura du mal. Lianna, ahiyana, il y a des choses... Tu dois savoir, est-ce que je fais ou je ne fais pas? Est-ce que c'est une sunnah, une bid'a? Si tu n'as pas d'ilm, tu peux khalif surat al-mustaqim. Ça te montre l'importance de l'ilm. Ce surat al-mustaqim, deux choses. Al-ikhlas et ittiba' al-Nabi alayhi sallam. Tout ça, c'est avec l'ilm. Tu ne pourras pas avoir une niya, une bonne niya et suivre le prophète sallam comme il faut, illa bil-ilm. Comme l'an, tu vois, mille al-awam, ils ont une bonne niya. Ils aiment le prophète alayhi sallam. Lakin, tu trouves qu'il fait des bid'a. والله بعضهم مساكين يفون دو الشرك تلمو كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يبقى العمرة تلمو كلام ايكخواك سمنا صلاة المستقيم إلاف لما يدمون دو بروفيت صلى الله عليه وسلم إياك نعبد أنت أيها المسلم dans الفاتحة dans ta salat tu dis إياك نعبد. لماذا cette adoration, quelle invocation كما قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. Il n'a pas compris الفاتحة. Deuxième مخالفة, اهدنا الصراط المستقيم. Tu demandes à Allah qui te guide sur la voie mustaqim. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a déjà montré qu'il faut l'invoquer? Ebeden. Fa, le Coran il est azim. Celui qui veut le khayr, il se concentre sur le Coran. Il s'éloigne de l'qil wal qal. بعض الناس يتعلقون بالأشخاص. Toute sa vie c'est في فلان, pas فلان, فلان. Et il délaisse هذا الكلام. كلام رب العالمين. Qui va lui ouvrir les portes à كثير من الأشياء. Wallahi, si tu comprends le Coran, tu vas comprendre فلان et pas فلان. Le فلان qui te pose le problème, tu sais pas s'il est à la haq, il est pas à la haq. Apprends le Coran, apprends le Sunnah et tu verras que كثير من الناس tu sauras s'ils sont à la haq ou à la bâle. Et tu délaisses l'asl et tu veux savoir directement, t'as pas l'ilm pour savoir. Un jour, Fulan il va te dire là, Fulan il est pas bien, tu vas dire il est pas bien. Une autre personne elle va te dire si, il est bien, Fulan il a dit, tu vas dire il est bien. Un troisième il va venir, tu sauras plus comment faire. Tu vas dire laissez-moi, Anna, je sais plus, un jour kada. Léna t'as pas d'ilm. أما سويك على علم لا بيرسون بو رابور ا سي اعمال سي سان مبتدع الى في سي اعمال اي سيك سان مبتدع ولو سي ان اوتر في دي لا سان امام في السنه اي سيك سان مبتدع لان الى العلم الى لي بروف سا لو في با بوجي سي هذا تو تروف العلماء احيانا يا دي فتن اي سيك فلان اللي على ضلال الى دي بروف لا كونسيي لا با اي سي تو لو تروف الى ثابت الى سورين كالم سان مبتدع اي سي اللي على علم لي زوتر ايزون با سو. Et il sait que lui, il n'est pas obligé de suivre les autres. Il ne va pas laisser le ilm pour suivre l'ignorance. Il n'a pas le droit. Ta'ammal l'imam Ahmed ibn Hanbal. Tout seul, il sait que le Coran, c'est kalamullah. Qu'est-ce que les gens qui nous dit makhlouk, l'autre dit love. Il se fait frapper. Il est thabit. Il ne bouge pas. Il sait, il meurt, hakada. Il sait qu'il est à la haq. Amma nahnoum, il qu'il a l'ilm un jour, tu nous trouves, on change vite de côté. Il n'y a pas d'ilm. Ou pas beaucoup. Un jour kada. Dès que c'est trop, il ne sait plus comment faire. حفظه الله قال لا يمكن الاهتداء إلى الصراط المستقيم إلا بالرسل عليهم الصلاة والسلام ففيها إثبات الرسالات. قال وفيها الرد على جميع الطوائف المنحرفة ففيها الرد على الملاحدة الذين يعطلون الكون من خالقه في قوله الحمد لله رب العالمين. الرد تجي الحمد لله رب العالمين. Tu sais qu'il y a un رب, un créateur. Tu le sais. Cette آية elle répond à le رد على ceux qui disent là Malahida, les athées, ils disent là, c'est la nature, il n'y a pas de créateur, c'est venu hakada. Arrad alayhi. Anta, tu peux lui rendre avec ce ayah, alhamdulillah, rabbil alamin. Al-alam hada, cet univers, il a un rab. Et tu peux lui rendre kadalik avec l'aql, comme on a expliqué, kadiran fil usul al-thalat. Tu lui montres des choses avec une tariqa que les choses, elles ne viennent pas toutes seules, abadam. On avait expliqué fil usul al-thalat. Si tu lui dis ce téléphone, il est venu hakada au masjid tout seul. C'est fabriqué tout seul et il est venu tout seul. On l'a trouvé dans le masjid tout seul. Hakada, il est venu tout seul. T'as pas le droit de dire quelqu'un l'a emmené. Il va dire là, c'est pas possible. On va lui dire comment fi as-sama wal-ard wal-shams wal-qamar, comment c'est venu tout seul. Ou hakada. Lakin, ce qui nous intéresse هنا, c'est al-rad bi tafsir al-fatiha. الحمد لله رب العالمين. قال ففيها الرد على الملاحدة الذين يعطلون الكون من خالقه فيها الرد عليهم بإثبات أن هذا الكون له الرب خلقه وهو رب العالمين. هذا واضح. قال والرب معناه الخالق المربي لجميع الخلق بالنعم. سسا معنى الرب الخالق المربي celui qui nous a créé et celui qui éduque sa créature المربي أي il leur donne de quoi manger, de quoi boire. Il les guide, il leur envoie des messagers, il fait descendre des kutub. Tout ça, c'est une éducation. Est-ce que tu vas suivre le haq amla? Si tu suis le haq, t'es min al-fa'izin. Si tu refuses de suivre le haq, t'es min al-khasiri. Qala, al-murabbi li jami' al-khalq bin ni'am. Na'am, toutes les ni'am, c'est min Allah. Wa ma bikum min ni'matin, fa min Allah. Wa in ta'uddu ni'mat Allah, la tuhsuha. Fa chaque ni'ma, c'est min Allah. L'eau, l'oxygène, la boisson, la nourriture. Tout ça, min Allah Rabbil Alameen. Qala, wal muslih, wal malik, kullu hadhihi tadkhul fi ma'ani al-Rabb subhanahu wa ta'ala fa fiha al-rad ala al-malahid al-mu'attila. Naam. Et ils sont qalil, haoula. Ba'dhum, c'est ala kibr. Il nie l'existence d'un créateur. Il sait qu'au fond de lui, il y a un créateur. Lakin min bab al-kibr, kafir aoun. C'est très bien que c'est pas venu tout seul à Gada. Lakin le kibr, le cœur, il est malade. Il nie avec orgueil. Amma aghlab al-nas, ils savent très bien qu'il y a un créateur. Wa hadha la yakfi. ne faut pas comprendre le kalam. Si tu sais qu'il y a un créateur, tu sais qu'Allah c'est Rabbul Alamin, tu es musulman. Là, il faut voir la fin de la sourate. Il y a qu'un abud, tu es obligé d'adorer Allah seul. Les Allah, Kuffar Quraysh, ils reconnaissaient. Kuffar Quraysh, ils ont jamais dit au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Limada tu dis Alhamdulillah Rabbul Alamin. Dis pas Rabbul Alamin, abadan. Voilà, in sa'altahum. Man khalaqahum la yaqulun Allah. Si tu leur demandes qui c'est qui les a créés, ils diront Allah. Al-ma'raka ou al-mushkila ou al-niza' il n'est pas fait rububiyya, abadan. On a expliqué plusieurs fois raja' al-qa'il arba. Qala wa fiha ar-radd 'ala al-mushrikeen alladhina ya'buduna ghayra Allah subhanahu wa ta'ala iyyaka na'bud. Vous avez remarqué que Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah, après avoir cité rububiyya, directement il cite l'uluhiyya pour que tu comprennes que rububiyya ça suffit pas. Bal fi al-Qur'an Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmi Din Iyyaka Na'bud. T'es obligé pour valider tout ce qui est avant d'adorer Allah seul. Mais si tu reconnais Allah c'est le Rabb, tu reconnais Allah il a des noms et attributs, comment la personne il associe Allah fil ibadah, c'est pas muslim. L'anna il a pas haqqaq Iyyaka Na'bud. Qala wa fiha ar-radd 'ala al-mushrikeen alladhina ya'buduna ghayra Allah subhanahu wa ta'ala iyyaka na'bud haythu inna fiha ikhlas al-'ibada lillah. Et on a expliqué min ay wajh min hayth taqdim dhamir an-nasb alladhi haqquhu at-ta'khir fayufid al-hasr iyyaka na'bud qala fa fiha ar-radd 'ala al-mushrikeen alladhina ya'buduna ma'a Allah ghayra. Chaque mushrik, wa hadha c'est pas réservé à al-yahoud wa an-nasara faqat, la اليهود والنصارى سدي مشركون إذا دعوا أتق الله كذلك عباد القبور ولو سيس بخيطة مسلم سنرد عليه tous ceux qui adorent أتق الله أو إذا دعوا الله إذا دعوا أتق بك الله سبحانه وتعالى سيا مشرك الآية ترد عليه كي كسوا أغاب نو أغاب إس بخيطة مسلم أو إس بخيطة با مسلم إلى البنية أو إلى الموزنية tout cela الآية ترد عليه. للأسف بعض الناس إذا نشبه يخاف كس في عباد الأصنام فقط. On a répondu في كتاب كشف الشبهات. بعض الناس يpense que il dit أنا لا أدور pas des statues. لكن الآية ترد عليه. من أي وجه تبرد عليه avec الآية؟ Si tu dis أنا لا أدور pas une statue. أنت تبرد عليه avec إياك نعبد. كيف تفعل؟ أحسن فماذا؟ Ahsant hada. Tu lui dis anta Allah subhanahu wa ta'ala al-an. Est-ce qu'il a parlé de statue ou pas statue? Là, il a dit iyyaka na'bud. Ça veut dire que celui qui adore autre qu'Allah, qui qu'il soit, il n'a pas adoré Allah seul. Donc pourquoi anta tu limites dans les statues? Les statues, na'am, c'est du shirk, celui qui adore les statues. Kadhalik, celui qui adore les morts, celui qui adore les prophètes, celui qui adore les anges, celui qui adore le soleil, tout cela c'est des mushrik. Bien Allah subhanahu wa ta'ala qal iyyaka na'bud. Pour t'éloigner du shirk, tu dois adorer Allah seul. Amma ba'd an-nas la, il adore un mort, tu le fais taqillah, c'est du shirk. Il dit là, tu crois que je suis comme les kuffars de Quraysh? Moi, j'adore pas une statue. Quand Quraysh adore une statue, un tas adore la tombe. Elle est où la différence? La statue elle est créée, la tombe elle est créée. Les deux, vous adorez autre qu'Allah. Qala wa fiha ar-radd 'ala tawa'if hadhihi al-umma allati ishtattat 'an tariq al-haqq, ishtattat ka'annaha iftaraqat 'an tariq al-haqq. Qala kal-jahmiyyah wal-mu'tazilah wal-ash'ariyah الذين ظلوا في باب القضاء والقدر والرد على نفات الصفات المعطلة الذين عطلوا الأسماء والصفات من الجهمية ومعتزلة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وما تريدية وغيرهم كل من نفى الصفات أو نفى شيئا منها فهذه الصورة ترد عليه. صحيح قوله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فيها الرد على هؤلاء لأن الله سبحانه وتعالى أثبت الأسماء. الله سبحانه وتعالى يسأتخبيه دينو الرحمن السنو il peut pas être parfait que s'il a un attribut. Mais si on dit Ar-Rahman et il a pas de Rahman, le nom il a pas grande utilité. Abadan. Enfin, on sait qu'Allah il a des noms et ce nom il renferme un attribut. Si tu as compris hada, ça va être un rad ala haoula. Ta'lamouna anna al-Jahmiyya yu'attilouna jami' al-asma wa sifat. Al-Jahmiyya ils disent Allah il a pas de nom, il a pas d'attribut. Maintenant on dit au Jahmi, qu'est-ce que tu penses de quand Allah Azzawajal Ar-Rahman Ar-Rahim. Toi tu dis qu'Allah il a pas de nom, Allah il dit c'est lui Ar-Rahman, c'est lui Ar-Rahim. Ça a rad alayh. Maintenant on va croire qui? Chacun le Coran c'est haq. Celui qui nie les noms et attributs c'est un mubtil, un munharif. Tu prends le Mu'tazila, sauf que le Mu'tazila Ils disent qu'Allah il a des noms, lakin ils ne croient pas aux attributs. Eux, Ar-Rahman Ar-Rahim, ils vont dire Na'am. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tu vas lui dire donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de Rahma. Il va te dire là. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dis que c'est Rahman, il n'a pas de Rahma. Enfin, ça veut dire quoi Rahman? Il ne pourra pas te répondre. C'est un rad alay. Kadalik al-Ash'ari. Al-Ash'ari, il nie qu'il y a des noms. Sauf ce qui correspond avec son aql. Cette ayah, elle montre que le musulman, ce qu'il y a dans le Coran et dans le Sunna comme nom et attribut, il y croit. Et il ne fait pas passer son aql avant les textes. Là, Allah il a dit Rahman, c'est Rahman. Et ça implique pas que Allah il a Rahman comme les créatures. Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui lui ressemble. Pourquoi on accepte maintenant que la force de la fourmi, c'est pas comme la force du lion? Tout le monde accepte ça. Comme a dit Cheikh l'Islam Taymiyyah fi at-Tadmuriyyah, il compare. Avec taqrib de Cheikh Al-Utaymin, on avait étudié avec les frères. An-Naoum donne ces exemples. La force d'une fourmi, c'est pas la force d'un lion. Les deux, ils ont le pouvoir. La fourmi, elle va pouvoir porter une petite miette. Le lion, ta'arifon, quwat al-asad. Enfin, c'est pas la même chose. Enfin, limada, fi haqqillah, la rahma, ça doit être la même. Limada. Allah, il a une rahma qui est réservée pour lui, elle est khassa pour lui. Et le makhluk, il a une rahma de makhluk. Sa rahma, elle peut le pousser à faire des choses haram, ila akhri. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le haqq. وهذا on l'a vu في كتب الاعتقاد si Allah facilite on reverra هذه الامور فالمهم ان الرحمن الرحيم فيها الرد على هؤلاء tous ceux qui sont égarés dans les noms et attributs d'Allah azza wa jalla. Et celui qui veut étudier ce masail, il étudie الواسطيه les cheikh l'islam l'utaymiyya, et il étudie le qa'id al-mutla l'imam Muhammad ibn Salih al-Utaymin, et il étudie التدموريه خاصه avec التقريب اما التدموريه كلام شيخ الاسلام il est صعب خاصه pour les débutants قد لا يفهم لكن avec taqrib c'est un approchement, il te rapproche, il te facilite. التدموريه c'est un kitab azim fi l'asma wa sifat. طالب علم يدرس مثل هذه الكتب لكن بالتدرج petit à petit, commence par الواسطيه ou par l'umma, ثم القاعده المتلى ثم الواسطيه ثم التدموريه, il sera à la khair insha Allah. خاصه si rajoute التحاويه avec شرح ابن ابي العز. قال فيها اثبات البعث اي مالك يوم الدين. قال يوم الدين, قال وهو يوم الحساب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. مع تحيتي دماج افاق.com. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون الى الظلمه من شيعة او حزبيين, لا تركن اليهم, هؤلاء ثعابين.